إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, on est rendu au cours numéro 29 dans l'explication de Al-Adillatu Shar'iyya, Likashf al-Talbisat al-Hazbiyya, ala al-Mujtama'at al-Islamiyya, écrit par le Cheikh Hassan ibn Qasim al-Raymi. Donc, le Cheikh, ici, on est rendu aujourd'hui au cours 29, et il explique une parole du Cheikh Abdulaziz ibn Baz, rahimahullah, au sujet de la question des dirigeants injustes et comment on doit agir envers eux. Et l'explication du fait qu'on n'a pas le droit de se rebeller contre eux, et lorsqu'ils font de l'injustice, on doit quand même continuer à les obéir dans le bien, mais s'ils nous ordonnent de faire le mal, bien sûr, dans ce mal-là en particulier, on n'obéit pas, mais on continue quand même à reconnaître leur autorité, puis à les obéir dans le reste de ce qu'ils nous demandent de faire de bien. Et le chef expliquait que, excepté s'il y a un kufr qui est bawah, un kufr qui est clair, au sujet duquel il y a une preuve venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors à ce moment-là, on a le droit de l'enlever du pouvoir et de le remplacer si c'est possible. Et le cheikh expliquait que à ce sujet-là, il y a des conditions. C'est que, il faut pas que, en le remplaçant par quelqu'un d'autre meilleur, il faut pas que ça soit, une cause pour amener plus de mal que le mal qu'on essaie de changer en enlevant ce dirigeant-là. Donc le cheikh il a expliqué ce principe-là. Il dit أما إذا لم تكن عندهم قدرة فلا يخرجون أو كان الخروج سبب شر أكثر فليس لهم الخروج رعاية للمصالح العامة. Donc le cheikh il dit, s'ils n'ont pas la capacité, alors dans ce cas-là ils ne doivent pas sortir contre le dirigeant. Hein? Ou bien s'ils croient qu'ils ont la capacité, mais que le fait de se rebeller contre lui, de sortir contre lui, va causer un mal plus grand, alors dans ce cas-là ils n'ont pas le droit de prendre les armes ou de sortir contre lui ou de l'enlever du pouvoir dans le but de préserver les bienfaits généraux pour la population, éviter de faire plus de désordre. Ensuite, le chef dit, والقاعدة الشرعية المجمع عليها أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه أما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفرا بواحا ويكون عندها قدرة على أن تزيله وتضع إماما صالحا طيبا دون أن يترتب على ذلك فساد كبير على المسلمين وشر عظيم من شر وشر أعظم من شر السلطان فلا بأس أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير واختلال الأمن وظلم الناس واغتيال من لا يستحق اغتيال من لا يستحق الاغتيال إلى غير هذا من الفساد العظيم هذا لا يجوز بل يجب الصبر والسمع والطاعة في المعروف ومناصحة ومناصحة ولاة الأمور والدعوة لهم بالخير والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير هذا هو الطريق السوي الذي يجب أن يسلك لأن في ذلك مصالح المسلمين عامة لأن في ذلك مصالح المسلمين عامة ولأن في ذلك تقليل الشر وتكثير الخير ولأن في ذلك حفظ الأمن وسلامة المسلمين من شر أكثر نسأل الله للجميع التوفيق والهداية الشيخ صالح الشيخ عبد العزيز بن باز dans ce passage qui est mentionné ici de lui qui est tiré de qui est tiré de son livre ou d'un livre en fait qui c'est tiré d'un livre qui tire qui tire ces paroles-là d'une entrevue qui a été faite avec un magazine dont les questions et les réponses sont mentionnées dans le livre et donc ça s'appelle ce livre Muraja'at fi fiqh al-waqi' al-siyasi والفكري على ضوء الكتاب والسنة لقاش 24 et 26 qu'est-ce qu'il dit le chef ici il dit que c'est une règle de la charia au sujet de laquelle il y a un consensus et cette règle c'est quoi c'est qu'il n'est pas permis d'enlever un mal par un mal qui est égal ou bien qui est plus grand que lui Hein? Donc le cheikh il dit il est obligatoire de repousser un mal par ce qui va l'enlever complètement ou le diminuer et à ce point là cheikh Mukbil rahimahullah il a mis un point important en bas de page il y a une note de lui en bas de page qui dit walakin fi masa'il ad-dima wa qatl al-muslimin fala yajuz qatl muslim fala yajuz qatl muslimin walaw wahid من أجل دفع شيء من المفاسد الأخرى التي قد يظن أنها أقل من القتل لعظم حرمة الدماء عند الله ورسوله والله المستعان. الشيخ مقبل رحمه الله il a dit mais dans les questions qui ont un lien ou qui sont reliées au saint comme par exemple le fait de tuer les musulmans le cheikh il dit il n'est pas permis de tuer un musulman même un seul musulman dans le but de repousser quelque chose des méfaits ou d'un mal d'un autre mal que quelqu'un pourrait avoir l'impression ou imaginer que ce mal là est moins grand que le meurtre donc ça c'est pas permis de faire couler le sang même d'un seul musulman et même si tu penses que tu vas repousser les autres mâles, que tu crois que ces autres choses-là sont moins grands que le meurtre, eh ben, ça c'est pas permis parce que le cheikh il dit que le sang c'est quelque chose qui est sacré pour Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Et donc, tellement c'est sacré, eh bien, il mérite un grand respect de notre part et on n'a pas le droit de le faire couler. أما درء الشر بشر أكثر mais en ce qui concerne le fait de repousser un mal par un mal qui est plus grand encore alors dans ce cas là c'est pas ça c'est interdit selon le consensus des musulmans et le cheikh il dit que s'il y a un groupe qui veut enlever du pouvoir un dirigeant et que ce dirigeant a fait un kufr bawah un kufr clair et qu'ils ont la capacité, al-qudra, de l'enlever, et de mettre à sa place un dirigeant qui est vertueux et qui est bon, tant qu'il y ait des conséquences de mal, tant que ça ramène pas hein, sans que ça ramène de mauvaises conséquences ou de la corruption ou du grand désordre pour les musulmans, ou un mal plus grand que le mal de ce dirigeant-là lui-même, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Mais si quelqu'un veut essayer de dire qu'il va se rebeller contre ce dirigeant-là, et que ça va ramener un désordre et beaucoup de corruption, et qu'il n'y aura plus de sécurité dans la société, il n'y aura plus de sécurité, il n'y aura plus de justice, les gens vont faire l'injustice, et il y aura des attentats, et il y aura du mal dans la société, alors dans ce cas-là, c'est pas permis. Parce que là, dans des cas pareils, les gens qui ne méritent pas de se faire de se faire attaquer vont se faire attaquer, et il y aura des gens qui vont se faire voler, il y a des gens qui vont se faire tuer, il y a des gens qui vont se faire qui vont subir beaucoup de tort dans la société, parce qu'il n'y aura plus de justice, il n'y aura plus d'autorité, il n'y aura plus de sécurité dans la société. Hein? Imaginez-vous une société où il n'y a plus d'armée, plus de police, plus rien, que c'est le chaos, parce que tout le monde, parce qu'il y a eu une rébellion contre l'État, et donc il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus de stabilité. Et bien là, tout le monde qui avait des comptes à régler, et bien ils en profitent pour régler ses comptes à ce moment-là, puisqu'ils n'ont plus peur de la police, plus peur de rien. Donc là, c'est la loi de la jungle qui règne. Et donc, il y a toutes sortes de mal qui vont se produire dans la société par la suite. Et c'est ça ce qui se passe dans plusieurs pays musulmans aujourd'hui, où il y a eu des gens de coup d'État. Donc, le cheikh, il dit que dans des cas pareils, il est obligatoire pour les musulmans d'endurer le mal de ce dirigeant-là, de faire preuve de patience et d'endurance, et d'écouter et d'obéir dans le bien, et de donner le bon conseil aux dirigeants musulmans, et de l'appeler au bien, hein, et de faire des efforts, hein, et de faire des doigts pour eux, pour qu'ils deviennent meilleurs, et de faire des efforts pour diminuer le mal dans la société, et augmenter le bien. Et également, il dit le cheikh que ça c'est le droit chemin, la bonne voie, hein, qu'il est obligatoire à tout le monde de suivre, et que il y a dans cette voie-là tous les bienfaits pour la Ummah et les musulmans en général, et c'est comme ça qu'on peut diminuer le mal et augmenter le bien. Et il y a également dans cette voie-là le fait qu'on préserve la sécurité dans la société et la paix pour les musulmans d'un mal qui est plus grand. Donc dans ce cas-là, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour tout le monde, le cheikh dit, on demande à Allah de donner à tout le monde le succès et la guidance. Et ensuite, le cheikh, il mentionne les paroles du cheikh Salih Al-Fawzan à ce sujet. Le cheikh Al-Fawzan, il dit, وَمَنْهَجُنَا فِي التَّعَامُلِ مَعَ الْحَاكِمِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر في الحديث يقول أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا أو يرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وهذا الحديث يوافق الآية تماما ويقول صلى الله عليه وسلم من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في الحث على السمع والطاعة يقول صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. Donc le cheikh Al-Fawzan rahimahullah, il explique ici, il dit notre manhaj dans la façon d'agir envers les ou avec les dirigeants musulmans, c'est d'écouter et d'obéir, Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 59 dans sourate An-Nisa, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et si vous disputez ou divergez en quoi que ce soit, alors renvoyez-le à Allah et à son messager, si vous croyez vraiment en Allah et au jour dernier. Ce sera meilleur pour vous et d'une meilleure conclusion. Et le cheikh il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, je vous donne comme conseil, je vous enjoins de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous donne comme consigne à suivre de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et d'écouter et d'obéir, même si il y a un esclave qui devient votre dirigeant, qui devient votre chef. Vous devez l'écouter et l'obéir, même si c'est un esclave qui sera votre dirigeant. Parce que celui d'entre vous qui vivra verra beaucoup de divergences. Alors dans ce cas, accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés qui viendront après moi. Et ce hadith, il est exactement et parfaitement en accord avec le verset 59 dans Sourate An-Nisa qu'on vient de mentionner. Après, le cheikh il dit ensuite, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui obéit au dirigeant, il m'a obéi. Et celui qui désobéit, au dirigeant, il m'a désobéi. Et donc ça c'est un exemple clair dans le hadith qui nous ordonne d'obéir au dirigeant. Et que de désobéir au dirigeant, dans le bien, c'est équivalent à désobéir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme la désobéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam est équivalent à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quelqu'un ne peut pas dire qu'il a, comme s'il désobéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut pas dire j'ai pas désobéi à Allah, j'ai désobéi au prophète seulement sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'en réalité, s'il a désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a désobéi aux ordres du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme s'il a désobéi aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la même chose pour celui qui désobéit à son dirigeant, dans quelque chose qui est permis, alors là, automatiquement, il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui désobéit au dirigeant, il m'a désobéi. Et celui qui désobéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a désobéi à Allah. Donc ça, c'est des exemples que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne. Ensuite, le cheikh il dit qu'il y a beaucoup d'autres hadiths également qui sont mentionnés à ce sujet, qui nous incitent à obéir, à écouter et à obéir à notre dirigeant musulman. Et il mentionne le hadith qu'on a mentionné précédemment dans le cours passé, qui dit, et celui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, à propos de la question de d'un des sahaba, de Hudayfa de Yaman, qu'est-ce qui arrive si on rencontre ces gens-là qui ont des cœurs de diable dans des corps d'hommes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoute et obéis, même si on te prend tes biens, même si on te frappe ton dos, écoute et obéis. Cheikh il dit ensuite, فَوَلِيُّ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ يَجِبُ طَاعَتَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ فَإِنْ أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنَّهُ لَا يُطَاعَ فِي هَذَا الْأَمْرِ يعني في أمر المعصية ولكنه يطاع في غير ذلك مما لا معصية فيه وأما التعامل مع الحاكم الكافر فهذا يختلف باختلاف الأحوال فإن كان في المسلمين قوة وفيهم استطاعة لمقاتلته وتنحيته عن الحكم وإيجاد حاكم مسلم فإنه يجب عليهم ذلك وهذا من الجهاد في سبيل الله أما إن كان لا يستطيعون إزالته فلا يجوز لهم أن يتحرشوا بالظلمة والكفرة لأن هذا يعود على المسلمين بالضرر والإبادة والنبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكة 13 سنة بعد البعثة والولاية فيها للكفار ومعه من أسلم من أصحابه ولم ينازل الكفار بل كانوا منهيين عن قتال الكفار في هذه الحقبة ولم يؤمروا بالقتال إلا بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وصار له دولة وجماعة يستطيع بهم أن يقاتل الكفار هذا هو منهج الإسلام فإذا كان المسلمون تحت ولاية كافرة لا يستطيعون إزالتها فإنهم يتمسكون بإسلامهم وبعقيدتهم ولكن لا يخاطرون بأنفسهم ويغامرون في مجابهة الكفار لأن ذلك يعود عليهم بالإبادة والقضاء على الدعوة أما إذا كانت لهم قوة يستطيعون بها الجهاد فإنهم يجاهدون في سبيل الله على الضوابط الشرعية المعروفة الشيخ الزي donc le dirigeant des musulmans le responsable des musulmans il est obligatoire de l'obéir dans l'obéissance d'Allah et s'il nous ordonne de désobéir alors on n'a pas le droit de l'obéir dans ce commandement qui est un commandement de péché mais on continue à l'obéir dans le reste de ce qui n'est pas un péché en ce qui concerne le fait d'agir comment on doit agir envers un dirigeant qui est kafir qui est mécréant alors ça dépend de l'état et de la situation si les musulmans ont de la force et qu'ils ont la capacité de le combattre et de le remplacer et de l'enlever du pouvoir et de le remplacer par un musulman un dirigeant musulman alors dans ce cas là c'est obligatoire pour eux de le faire et ça fait partie du djihad mais s'ils ne sont pas capables de l'enlever alors dans ce cas il n'est pas permis pour eux de commencer à essayer de s'opposer aux injustes parmi les dirigeants et aux kuffars parmi les dirigeants pourquoi parce que ça va ramener aux musulmans quelque chose de mal ça va ramener du mal et des problèmes pour les musulmans et le prophète on doit se rappeler de ça le cheikh il donne un exemple de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a vécu à Mecca pendant 13 ans après la révélation et pendant toutes ces 13 années le pouvoir politique était entre les mains des kuffars C'est les mouchriquins qui avaient le pouvoir politique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est une note en passant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas essayé de dire on va renverser le pouvoir, on va prendre le pouvoir sur les kuffars et les mouchriquins. Non. Le cheikh il dit, وَمَعَهُ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَصْحَابِهِ Il était avec ceux qui avaient accepté l'islam parmi ses compagnons. Et ils n'ont pas essayé de descendre. Avec les koufars pour aller combattre avec eux. Même bien au contraire, ils étaient interdits de combattre les koufars à cette époque-là. Et ils n'ont pas été combattre, ils n'ont pas été ordonnés de combattre, excepté après que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ait fait la hijra à Médine et qu'il a eu un état et un groupe parmi les musulmans qui étaient assez forts. Puis, par la suite, quand il a été capable avec eux de combattre les kuffars, il a combattu. Et ça, c'est le manhaj de l'islam. Donc, si les musulmans sont sous une autorité des koufars et un pouvoir politique entre les mains des koufars, et qu'eux, ils vivent sous leur autorité et qu'ils ne sont pas capables de l'enlever du pouvoir, hein, ils ne sont pas capables d'enlever le pouvoir des mains des koufars, dans ce cas-là, ils doivent s'accrocher à leur islam et à leur aqidah, mais ils ne doivent pas commencer à penser ou à commencer à réfléchir en eux-mêmes et à comment on pourrait dire, à penser secrètement à essayer de s'opposer aux koufars dans le pouvoir, la question du pouvoir politique. Parce que s'ils commencent à faire des idées pareilles, à se faire des idées pareilles dans une situation pareille, ça va revenir contre les musulmans. Ils vont, au contraire, ils vont massacrer les musulmans et ils vont faire du tort aux musulmans et ils vont détruire la da'wa. Hein, ils vont arrêter la da'wa. Mais s'ils ont une force, ces musulmans, et qu'ils sont capables de faire le djihad, eh bien, dans ce cas-là, ils doivent faire le djihad fisabilillah selon les règles et les principes bien connus de la charia. Donc, ça, c'est le passage tiré du livre Al-Muraja'atun fil Fiqh al-Waqi', ou non, Muraja'atun fil Fiqh al-Waqi', al-Siyasi, wal-Fikri, ala daw al-Kitab wal-Sunnah, à la page 51 et 52. Le Cheikh dit ensuite, Qultu. وسائر علماء السنة والجماعة السلفيين في مشارق الأرض ومغاربها على هذا ذلك أن الذي يجمعهم هو الأخذ بالكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة فهل يستقيم يا عبد المجيد قولك السابق مع أقوال هؤلاء العلماء أم يصدق عليك قول القائل il dit inna qawlaka khuzza. Donc il dit ici que ces paroles qu'on a eues des paroles des ulama de l'Ahl Sunnah wal Jama'ah, parmi les ulama salafiyin de l'Est et de l'Ouest sur la terre, ils sont tous d'accord avec cette aqida et ce manhaj, parce qu'ils sont tous réunis sur le fait de prendre leur compréhension et leur référence dans l'islam, dans le Coran et dans la Sunna. Et ce sur quoi se sont mis d'accord les salafs de la Umma. Hein? Donc, le cheikh, il s'adresse à Abdul Majid al-Zindani et il lui dit, est-ce que c'est correct, est-ce que c'est droit selon toi, est-ce que tu penses que c'est le droit chemin selon toi d'avoir dit ce que tu as dit dans la parole qu'on a citée de toi précédemment, alors que tu viens d'entendre, et tu viens de voir toutes les citations qu'on a données des paroles des ulama, ou bien on doit dire de toi la parole à ton sujet, est-ce qu'on doit dire à ton sujet la parole du poète suivant? Et donc il mentionne les paroles de ce poète. Et c'est juste pour dire que, en fait, une comparaison pour dire que, qu'est-ce que Abdul Majid Zindani dit? C'est en contradiction avec le Coran et la Sunna. Donc le Cheikh dit: Inna qawlaka inna al-umma min wajibiha an ta'zilahu al-hakim idha fatada wa afsada wa al-harafa wa zalama mukhalifun mukhalafatan tamma lima ajma'a alayhi salafun as-salih wa muwafiqun muwafaqatan tamma lima alayhi al-khawarij. فتأمل ذلك جيدا ومن أراد بسط القول في ذلك فلينظر ما كتبه سلفنا الصالح في كتبهم مثل السنة للخلال والشريعة للآجري وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي والسنة لابن أبي عاصم وغير ذلك من كتب السلف لا أبالغ إن قلت إنه لا من كتاب ما من كتاب من كتب السلف في العقيدة إلا ويتعرض لهذه القضية لما لها من أهمية بالغة أجمع كتاب وأجمع كتاب صدر حديثا في ذلك معاملة الحكام على ضوء الكتاب والسنة للشيخ عبد السلام بن برجس فقد أجاد وأفاد فجزاه الله خيرا. Donc le cheikh il dit que lorsque Abdul Majid Zindani dit lorsque tu dis que la Umma, ça fait partie de ses obligations d'enlever le dirigeant lorsqu'il est corrompu et lorsqu'il fait la corruption, lorsqu'il a dévié ou lorsqu'il fait de l'injustice, c'est en contradiction totale avec ce sur quoi se sont mis d'accord tous les savants parmi les salaf salih. Et c'est en accord total avec ce que les Khawarij ont suivi. Et donc, réfléchis et médite bien comme il faut sur ça. Ensuite, donc, juste pour voir ici à ce sujet-là, c'est en même temps en accord, c'est en même temps l'exemple de ce que Al-Qardawi a mentionné dans sa fatwa au sujet de la démocratie. Il a suivi le même exemple que Al-Qardawi là-dessus. Et il dit que les musulmans doivent enlever du pouvoir le dirigeant et le destituer s'il fait une injustice, ou s'il fait du mal ou de l'injustice, ainsi de suite. Et donc il suit la même voie que les Khawarij à ce sujet-là. Et également, Qardawi essaie de ramener des arguments parmi les arguments qu'il mentionne. Et souvent il se base sur des hadiths, soit qu'il prend un hadith sahih, mais il en coupe une partie et il mentionne uniquement une partie qui est en accord avec ce qu'il pense, qui est contraire à l'islam, qui est en accord avec la voie des Khawarij. Mais de toute façon, ces gens-là, comme c'est bien connu, ils pensent qu'ils peuvent piger au hasard, à gauche et à droite, dans les paroles des différentes sectes de l'islam, parce qu'ils s'imaginent, eux, que ça, c'est des choses qui font partie de la diversité, et donc c'est juste différentes versions de l'islam qui sont tout aussi valables et qu'il n'y a pas de divergences qui sont interdites dans l'islam puisqu'ils croient en la liberté de religion. Alors, le cheikh, il dit à ce sujet-là donc que ça c'est en accord avec la voie des Khawarij. Et Qardawi aussi, qu'est-ce qu'il donne comme exemple, comme preuve? Des hadiths da'if. Parfois il base ses idées sur des hadiths qui sont faibles. Parfois il base ses idées sur des hadiths qui sont authentiques, mais qui n'ont rien à voir avec le sujet du dirigeant. Comme par exemple, il a mentionné le hadith qui parle de l'imam dans la prière. Et qui mentionne le fait que si quelqu'un prie alors que les gens qui sont derrière lui ne sont pas satisfaits de lui, sa prière ne va pas monter plus haut que sa tête ou quelque chose comme ça, comme c'est mentionné dans le hadith. Et bien entendu, ce hadith-là, premièrement, il ne dit pas aux gens, allez enlever cet imam par vous-même, hein, si vous ne l'aimez pas. Et il y a aussi un autre point important à ce sujet-là, c'est que ça, c'est pour l'imam de la prière. Tandis que pour celui qui est l'amir et qui est à la tête des musulmans, et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mentionner des paroles claires et nettes à ce sujet-là en particulier. Et donc tu ne peux pas utiliser les d'autres hadiths pour essayer de l'appliquer dans ce contexte-là, puisque c'est des hadiths qui ne parlent même pas du même contexte. Et là également, essayer de mentionner l'exemple des prophètes qui ont eu des problèmes avec certains des koufars et des dirigeants de leur époque, comme par exemple Ibrahim, alayhi salam, lorsqu'il a eu des problèmes avec Nimrod, hein, lorsqu'il est arrivé, il a vu le dirigeant à cette époque-là, Ibrahim lui a dit qu'il croit en Allah, et ainsi de suite. Et Nimrod lui a répondu en disant, parce qu'Ibrahim a dit, mon Dieu, c'est lui qui fait vivre et qui fait mourir. Et Nimrod a répondu, a dit, non, mais c'est moi aussi, je peux faire vivre, je peux faire mourir. Hein? Et donc, il a amené un homme il a amené deux hommes et il en a tué un, et l'autre il l'a laissé vivant. Il a dit, tu vois, moi je peux faire vivre et mourir moi aussi. Alors, Ibrahim lui a donné un autre exemple, il a dit, moi je fais, il a dit, mon Seigneur, mon Rab, il fait lever le soleil, hein, à l'est, et il fait coucher à l'ouest. Alors, toi essaie de le faire lever à l'ouest si tu es capable. Et là, il a été bouche-pée, il ne pouvait plus répondre. Et donc, ça c'est un exemple. Hein. Et donc, il mentionne cet exemple-là, il mentionne aussi l'exemple d'Ibrahim, de Moussa alayhi salam avec Pharaon. Et il montre ces exemples-là en voulant dire, regardez, les musulmans sont ordonnés de s'opposer aux dirigeants qui sont injustes. Et on voit dans ces hadiths-là des exemples comment les prophètes d'Allah alayhim salatu wassalam ont fait la da'wah à la foi. Naam. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Masha'Allah. On voit dans ces exemples comment les ulama, on voit dans ces paroles des exemples comment les prophètes ont fait la da'wah même avec des dirigeants. Hein? Ils ont même appelé des dirigeants de leur époque à l'islam alors que c'était des dirigeants kuffars. Ça c'est vrai, ils se sont opposés à l'injustice et au mal que ces dirigeants-là faisaient dans leur mécréance, en les appelant à l'islam, en les appelant à la foi. Mais est-ce que vous avez vu que Moïse a fait un coup d'état sur Pharaon? Est-ce que vous avez vu que Ibrahim alayhi salam a fait un coup d'état sur Nimrod? Il n'a pas fait de coup d'état, et il n'a pas dit aux croyants, on va prendre le pouvoir sur ces dirigeants injustes. Il a seulement dit, croyez en Allah subhanahu wa ta'ala, et craignez un châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous ne croyez pas en lui et si vous ne vous soumettez pas en lui, en votre Créateur, eh bien, il va vous punir, il va faire tomber sur vous un châtiment, ainsi de suite. Donc ça, c'est des exemples. Mais il n'a jamais dit, on va prendre le pouvoir, on va faire une révolte, on va faire une rébellion pour enlever le dirigeant du pouvoir parce qu'il est injuste, ou ainsi de suite. Donc ça, c'est des arguments que Qardaoui il mentionne dans son livre, ou dans cette fatwa qu'il a écrit. Et ce sont des arguments futiles qui ne tiennent pas la route, et qui n'ont aucun lien avec le sujet dont il parle lui-même. Et ça montre son écartement et son ignorance, malgré que c'est un homme âgé, à son âge, et qui avait étudié la charia et l'islam. Et donc c'est étonnant de le voir sortir des arguments pareils et se contredire le Coran et la Sunna et la voix des salafs salih, et d'argumenter de cette manière que même des débutants en sciences islamiques, hein, qui n'ont même pas atteint encore les niveaux de Qardaoui, sont capables de savoir tout de suite que cette parole-là ne tient sur aucun des fondements de l'islam. Et la même chose pour Abdul Majid al-Sindani et tous les gens qui sont dans cette voie d'égarement parmi les Hizbiyyins et les gens de Khawarij et les gens de Bid'a, ainsi de suite. Donc le Cheikh dit ensuite, et celui qui veut avoir des détails à ce sujet-là, il peut aller voir dans les livres écrits par les salafs salih dans leurs livres, comme par exemple le livre qui s'appelle la Sunna de l'imam al-Khalal, hein, qui était un des élèves de l'imam Ahmad. Et il peut aussi voir dans le livre qui s'appelle « Al-Sharia » écrit par l'imam Al-Ajurri. Et il peut voir aussi dans le livre « Sharh al-Aqidat al-Tahawiyya » écrit par l'imam Ibn Abdul Aziz al-Hanafi. Et il peut voir dans le livre qui s'appelle « Al-Sunna » écrit par l'imam Ibn Abi Asim. Et ainsi que d'autres livres parmi les livres des salafs. Et il dit, si je ne vais pas exagérer si je dis qu'il n'y a pas un livre écrit par les salafs excepté, il n'y a pas un livre écrit par les salafs au sujet de l'aqidah excepté que ce livre traite de cette question, la question des dirigeants. Parce que cette question a une importance très grande. Et un des meilleurs livres qui résume cette question parmi les livres qui sont écrits parmi les contemporains, il y a le livre qui s'intitule Mu'amalatul Hukam ala daw al-kitab wa sunnah, c'est-à-dire comment agir envers les dirigeants selon la lumière, à la lumière du Coran et de la Sunna, écrit par le Cheikh Abdul Salam ibn Burgess, et il a bien expliqué d'une façon vraiment bonne et d'une façon vraiment claire dans ce livre-là, et que Allah le récompense. Et le Cheikh, il est décédé aujourd'hui, rahimahullah, Cheikh Abdul Salam ibn Burgess, il est mort, rahimahullah, très jeune, mais il a laissé beaucoup de bien derrière lui, que Allah lui donne le paradis et lui pardonne ses péchés. Amin. Ok. الملاحظة الثانية قال فإذا استقر الأوضاع السياسية استقرت الأوضاع الأخرى. Le Cheikh il critique les paroles de Abdul Majid al-Zindani. La deuxième point sur lequel il le critique, c'est une autre question, parce que là on a fini la première, maintenant on parle d'un autre point, une autre remarque qu'il fait. C'est lorsque Abdul Majid al-Zindani, il dit dans sa cassette, lorsque la situation politique elle est stabilisée, alors le reste va être stable. Hein, le reste va être stable et va être correct. Le Cheikh, il répond à ça. قلت الرد على قولك هذا من ثلاثة أوجه. الوجه الأول إن كلامك هذا يوافق تماما اعتقاد الرافضة الذين يجعلون الإمامة أهم مهام الدين، فهذا الاعتقاد مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة، إذ إن أهم مهام الدين نشر وتصحيح وتوطيد العقيدة في قلوب الأمة، وقد فند هذا المعتقد الباطل الشيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال إن قول القائل إن مسألة الإمامة أهم المطالب في الإسلام في أحكام الدين، إن قول القائل إن مسألة الإمامة أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين كذب بإجماع المسلمين سنيهم وشيعيهم، بل هذا كفر، فإن الإيمان بالله ورسوله أهم من مسألة الإمامة، وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. Le Cheikh, il répond à cette parole en disant, premièrement, on peut répondre à ce que tu dis de trois façons. Le premier point, comment on peut répondre à cette idée que si la politique est bonne, le reste va être correct. On va répondre à ça, premièrement, en disant que ce que tu dis là, c'est en accord, complètement en accord avec la croyance des Rafida parmi les Shias. Parce que ce sont eux qui ont parmi leurs croyances, ils mettent la question de la gouvernance parmi les plus... comme si pour eux c'est considéré comme le point le plus important parmi toutes les choses importantes dans la religion. Et cette croyance est complètement est en contradiction totale avec le Coran et la Sunna et le consensus de la Ummah. C'est-à-dire la croyance de dire que la question du pouvoir politique et de la dirigeance, la gouvernance est le point le plus important parmi tout ce qui est important dans la religion. Ça c'est quelque chose qui est en contradiction avec le Coran et la Sunna et l'Ijma et le consensus de la Ummah. Et Pourquoi le cheikh il dit? Parce que, qu'est-ce qui est le plus important dans la religion? Le point le plus important, parmi les points importants de la religion, c'est de transmettre, de diffuser et de corriger la croyance dans la croyance islamique dans les cœurs de la Ummah. C'est ça le plus important dans l'islam. L'islam est venu à la base, c'est pour ça, pour corriger, pour diffuser, pour corriger, hein, puis pour enseigner aux gens la foi de l'islam et la aqida, la croyance correcte. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a complètement détruit cette fausse aqida que les rafidahs, que les chiites rafidahs propagent. Hein, parce que pour eux, la question de la dirigeance, la question du pouvoir politique, c'est le principe le plus important pour eux dans la religion. Et c'est pour ça qu'ils y concentrent tous leurs efforts et toute leur da'wah est basée là-dessus. Sur le fait qu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Ali ibn Abi Talib, selon eux, qui devait prendre le khilafah. Et ils en font un des fondements de la religion. Et que celui qui n'est pas d'accord avec eux à ce sujet-là, pour eux, il est kafir. Donc c'est pour eux le plus important dans la religion, c'est de croire en, qu'est-ce qui a rapport avec le pouvoir politique et la gouvernance et des choses de ce genre. Donc, tout dans la croyance des rafidahs, des shi'a, toute chose tourne autour de cette question de al-imama. C'est comme ça qu'ils l'appellent en arabe, al-imama. Donc, le cheikh, il dit que pour eux, ça c'est la question la plus importante dans les règles de l'islam. Et donc, le cheikh Ibn Taymiyyah, il dit, si quelqu'un te dit que la chose la plus importante dans la religion, c'est la question de la gouvernance, hein, et que c'est le plus important parmi les principes et les règles de la religion, et que c'est la plus noble des questions auxquelles les musulmans ont affaire, alors il a menti, selon le consensus des musulmans, il a menti. Qu'il soit sunni ou chiite, hein, selon les sunnites et les chiites, ils sont tous d'accord que celui-là, il a menti. Parce que c'est pas vrai que c'est le plus important dans la religion. En fait, de dire que le plus important dans la religion, c'est la question de la gouvernance, et qu'il n'y a rien de plus important que ça, cette parole-là en soi, elle est kufr. Cette parole-là en soi, elle est kufr. Pourquoi? Parce que la foi en Allah et en son messager, c'est ça qui est le plus important dans la religion. Et c'est beaucoup plus important que la question de la gouvernance ou du pouvoir politique. Et ça, tout le monde doit savoir, ça c'est obligatoire, c'est nécessaire pour toute personne qui est musulmane de connaître cet aspect-là. Que dans l'islam, qu'est-ce qui est le plus important? C'est la foi en Allah et la foi en son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et la question de la dirigeance et de la gouvernance, c'est pas le point le plus important dans la religion. Et ça c'est tiré du livre Minhaj al-Sunna al-Nabawiyya, le volume 1 à la page 75. Ensuite le cheikh il dit وَمِمَّنْ فَنَّدَ هَذَا أَيْضًا هَذَا الْمُعْتَقَدَ الْبَاطِلِ شَيْخُنَا رَبِيعُ بْنُ هَادِي الْمَدْخَلِي في كتابه القيم منهاج الأنبياء في الدعوة إلى الله في معرض رده على أبي الأعلى المودود فلينظر. Le cheikh il dit ici, parmi les ulama également qui ont détruit cette fausse croyance, il y a notre cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hein, hafizahullah, dans son livre, qui est un livre très, vraiment très bénéfique et très bon, parmi un de ses meilleurs livres qui s'appelle Minhaj al-Anbiya fi da'wati ila Allah, la méthodologie des prophètes dans la da'wah, dans le fait d'inviter les hommes à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce livre, il a réfuté cette idée qui est également partagée par beaucoup parmi les Hizbiyyin et parmi les Ikhwan et parmi les gens de ces tendances. Pour eux, le pouvoir politique et la question de la gouvernance, ça c'est pour eux le plus important dans la religion, c'est le fondement le plus important, hein, d'établir le khilafah, soi-disant comme ils disent, on veut établir le khilafah. C'est ça le plus important de la religion. Et à cause de ça, il dénigre et il délaisse tout le reste. Hein? Comme par exemple le tawhid, hein, pour eux c'est une question secondaire, le tawhid. Une question d'aqidah, c'est un détail pour eux, c'est pas important. Hein, pour eux, le plus important, c'est le pouvoir politique. Hein. Donc, les questions qui ont rapport avec halal et haram, ça aussi, ça c'est des détails insignifiants pour eux. Puisqu'ils disent que c'est pas grave si nos membres, les gens de notre groupe ou de notre parti se rasent la barbe, ou les femmes ne portent pas un hijab shara'i, ou ils font du riba, ou des choses de ce genre, c'est pas grave, il faut pas s'attarder à ça. C'est des détails. Donc ça, c'est des exemples. Après, le cheikh, il dit, donc, le cheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullah, il a réfuté les paroles d'Abu al-A'la al-Mawdoudi dans son livre. Il a réfuté les paroles de Mawdoudi, le Pakistanais, dans son livre Manhaj al-Anbiya fi al-Da'wah ila Allah, qui défendait cette idée que la question de la politique c'était un des jeux. Abu al-A'la al-Mawdoudi, il est très célèbre, et même il a un de ses livres en français que, quand je suis converti à l'islam à l'époque, Mawdoudi, oui, à son époque, ben plutôt à mon, quand je suis converti à l'islam à l'époque, c'était son livre qu'on donnait à tout le monde pour les non-musulmans, pour les convertir à l'islam, ou bien pour leur expliquer l'islam. Il n'y avait que ce livre-là presque, il n'y avait pas d'autre. C'était le livre qui s'appelait Comprendre l'islam. Et dans ce livre-là, il y a beaucoup d'erreurs aussi. Malheureusement, c'est tout ce qu'il y avait, et les gens ils savaient même pas des fois les erreurs qu'il y avait dans le livre. Et puis Mawdoudi, il a beaucoup de problèmes dans l'aqidah, et il a une aqidah comme les chiites, et il défend beaucoup d'autres contradictions avec l'islam. Donc le cheikh dit ensuite, « Al-wajhu al-thani, an yuqala laka hal al-awda' al-siyasiyya tastaqirru bil-tariqa al-muharrama shara'an, al-musharakatu fi al-intikhabat al-barlamaniyya, فإن قلت نعم فقد أخذت بالقاعدة اليهودية التي تقول إن الغاية تبرر الوسيلة، وفي ذلك من التعدي الذي يخشى على صاحبه. قال الله تعالى: ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. وإن قلت لا بطل قولك من أساسه، بطل قولك من أساسه. Donc le cheikh il dit comme deuxième point pour réfuter cette parole, est-ce que tu crois qu'on peut stabiliser la situation politique en utilisant des méthodes haram, c'est-à-dire en participant dans les élections parlementaires? Si tu dis oui, alors ça veut dire que tu as pris la règle des juifs, la règle juive qui dit que le but est justifié, le but justifie les moyens, et que tu peux utiliser n'importe quel moyen tant que tu as un bon objectif, tu vas utiliser n'importe quel moyen pour y arriver. Et ça c'est bien entendu, c'est haram. Donc, si on demande, est-ce qu'on a le droit de stabiliser la situation politique par un moyen haram, s'il dit oui, alors il a pris la règle des juifs. Et ça c'est une transgression, et on craint pour celui qui utilise une voie pareille, parce qu'Allah il dit dans le verset 229, dans surat al-Baqarah, et quiconque transgresse les limites d'Allah, alors ceux-là sont les injustes. Donc on craint pour ces gens-là. Hein? Et le cheikh il dit, et si tu dis non, qu'on n'a pas le droit de, si tu dis on n'a pas le droit de changer ou d'établir de stabiliser la politique ou l'état politique ou la situation politique en utilisant un moyen haram, si tu dis que tu dis non, on n'a pas le droit d'utiliser ce moyen là en utilisant la démocratie, dans ce cas là tu as détruit toi-même ta propre parole depuis la base. Comme troisième point pour répondre à cette parole, on va poser une autre question. Et ça a rapport avec le tawhid. Cheikh dit: فإن قلت أنها أصل ومن أجلها أرسلت الرسل. Non, الوجه الثالث أن يقال هل الأوضاع السياسية أصل أم فرع. فإن قلت إنها أصل من أجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب ونصبت القبلة وجردت السيوف الجهاد وانقسمت الخلاف وانقسمت الخليقة من أجلها إلى مؤمنين وكفار، يقال لك قد قلت بالباطل المخالف لنصوص الكتاب والسنة، فإن الله ما بعث من رسول ولا نبي إلا يدعو قومه إلى عبادة الله والكفر بما يعبد من دون الله من دونه. أي نعم. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: وكلهم الرسل يدعون إلى عبادة الله وينهون عن عبادة ما سواه أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلم يزل تعالى يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم من قوم نوح الذي أرسل إليهم نوح. Donc le cheikh il dit, si tu dis, la question en fait c'est, est-ce que la situation politique est un fondement ou bien une branche? Est-ce que c'est quelque chose qui est une base ou bien c'est quelque chose qui découle d'une base? Donc il faut voir lequel des deux. Hein? Est-ce que tu penses que ça c'est un fondement, c'est une base la situation politique, ou bien sinon c'est une branche et quelque chose qui découle de quelque chose d'autre? Donc le cheikh il répond, il dit, si tu dis que c'est une base et que c'est pour ça que Allah a envoyé les messagers, et c'est pour ça que Allah a fait descendre les livres, et c'est pour ça que la Qibla a été établie, et c'est pour ça que les épées ont été brandies pour le djihad, et c'est à cause de ça que Allah a divisé la création en deux, les croyants et les kuffars, alors on va te dire dans ce cas-là, tu as dit quelque chose de faux, contraire au texte du Coran et de la Sunna, parce que Allah n'a pas envoyé de messagers ou de prophètes, excepté pour appeler les gens à l'adoration d'Allah et à mécroire ou rejeter ce qui est adoré en dehors d'Allah. C'est ça la base et le fondement. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat al-Nahl, le verset 36, et nous avons envoyé dans chaque nation un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du tarot. Et l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, il dit dans son tafsir, tous les messagers ont appelé à l'adoration d'Allah et ont interdit l'adoration de ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit an ya'budu Allah wa ijtanibu at-taghut. Les messagers ont dit adorez Allah et écartez-vous du taghut. Donc il y a toujours eu, Allah a toujours envoyé des messagers aux hommes, et ça c'est depuis que le shirk est apparu sur la terre à l'époque de Noé. Et Allah subhanahu wa ta'ala avait envoyé au peuple de Noé le prophète Noé, pour les appeler au tawhid. Et ça c'est un tafsir de Ibn Kathir au sujet d'un verset. C'est dans le volume 4, la page 489. Le cheikh il dit ensuite, il mentionne les paroles d'un autre savant, c'est le fils de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, c'est-à-dire Sulayman. Il dit, « قال سليمان ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab, النوع الثالث توحيد الإلهية المبني على إخلاص التأله لله تعالى وهذا التوحيد هو أول الدين وآخره وباطنه وظاهره وهو أول دعوة الرسل وآخرها وهو معنى قول لا إله إلا الله فإن الإله هو المألوه المعبود بالمحبة والخشية والإجلال والتعظيم وجميع أنواع العبادة ولأجل هذا التوحيد خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب وبه افترق الناس إلى مؤمنين وكفار والسعداء أهل الجنة وأشقياء أهل النار. الشيخ البيسي الإمام الشيخ سليمان بن محمد بن عبد الوهاب إلى دين للتوحيد للثالثة كاتيجوري للتوحيد التوحيد الإلهية. Il est basé, le tawhid de l'adoration, il est basé sur le fait de purifier Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration, c'est-à-dire que tu adores uniquement lui, et tu purifies ton adoration. Et le shaykh il dit que le tawhid, ce tawhid-là, tawhid al-ilahiyya, c'est le tawhid, en fait c'est le début de la religion ainsi que la fin de la religion. C'est-à-dire la religion elle commence par le tawhid et elle termine par le tawhid. Elle est l'aspect apparent et caché de la religion, c'est-à-dire qu'est-ce qui est à l'intérieur et qu'est-ce qui est à l'extérieur. Hein, qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur, c'est-à-dire nos adorations qu'on fait avec notre cœur, hein, nos intentions, ainsi de suite, et à l'extérieur, c'est-à-dire nos paroles et nos gestes. Hein, tout ça, ça fait partie du tawhid. Et également, le cheikh, il dit que c'est la première chose à laquelle les messagers ont invité les hommes, et c'est également la dernière chose que l'être humain doit dire, et c'est-à-dire la signification de la ilaha illallah, c'est-à-dire que la ilaha illallah, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, parce que en arabe le mot ilah ça veut dire celui qui est adoré, la chose qui est adorée ou l'être qui est adoré. Par l'amour, par la crainte, par le respect, hein, par la vénération et l'exaltation qu'on peut faire de quelque chose ou de quelqu'un. Et donc, toutes les formes d'adoration qu'on fait, eh ben, elles doivent être uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que, et c'est pour ce tawhid en particulier que toute la création a été créée et que tous les messagers ont été envoyés. Et que tous les livres ont été révélés. Hein? Et donc, c'est à cause de ça également que les hommes ont été divisés en deux catégories, les croyants et les koufars. Les heureux, les gens qui seront heureux, qui iront au paradis, et les malheureux, qui iront dans l'enfer. Donc ça, c'est tiré du Sharh de Kitab al-Tawhid, qui s'appelle Taysir al-Aziz al-Hamid. C'est le Sharh du Kitab al-Tawhid écrit par Sulayman ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab, écrit par le fils du Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Et c'est un des plus gros Sharhs qui ont été faits par, c'est-à-dire à propos du Kitab al-Tawhid. Ensuite, le Cheikh mentionne les paroles de l'imam Hafiz ibn Ahmed al-Hakami. Et également un des grands ulama du sud de la péninsule arabe qui a écrit plusieurs livres à son époque, dont un poème dans lequel il résume la croyance islamique et le tawhid, qui s'appelle Sulam al-Wusul ila ilm al-Usul. C'est un poème dans lequel il résume toutes les croyances de Ahl-Sunnati wal-Jama'a, en commençant par le Tawhid, et tous les points et les principes de la Aqidah. Hein, donc il explique ces choses-là dans son livre. Et dans le Cheikh il nous en mentionne quelques vers. Il dit, « Hada wa thani naw'i tawhidi. Hada wa thani naw'i tawhidi. Ifradu Rabb al-Arshi an nabiri. أن تعبد الله إلها واحدة معترفا بحقه لا جاحدا وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله. Donc qu'est-ce qu'il dit dans, dans cette partie qu'on a lue du poème? Il dit, et voici la deuxième catégorie du tawhid, et qui est de rendre l'adoration yani, du Seigneur du trône, peu, unique, uniquement pour lui, de l'adoration uniquement pour lui. Hein? Et de, yani, de le, quand on dit ifraduhu an-nadid, c'est-à-dire que tu dois yani, purifier Allah subhanahu wa ta'ala et unifier Allah subhanahu wa ta'ala et nier tout ce qui est associé avec lui comme partenaire ou égal avec Allah subhanahu wa ta'ala et l'adorer lui seul hein, en reconnaissant son droit à l'adoration et en ne le niant pas. Hein. Et c'est lui qui a envoyé les messagers qui ont commencé leur appel par cet appel, c'est-à-dire par le tawhid. Par ce tawhid en particulier, qui est le tawhid de l'adoration. Et il a envoyé également révéler les livres et la clarification des livres. C'est la sunna. Et c'est à cause de ça qu'il a distingué entre les hommes, les croyants et les non-croyants. Et il a également chargé les messagers, Allah a chargé les messagers, et le messager, on parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a été l'élu, le choisi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le mujtaba, pour combattre celui qui se détourne de l'ordre d'Allah de l'adorer uniquement et qui refuse jusqu'à ce que la religion soit pure pour lui seul, Allah subhanahu wa ta'ala, intérieurement et extérieurement, dans les petites choses comme dans les grandes choses. Donc, c'est-à-dire avec le djihad. Donc, ça c'est dans le poème Sulam al-Wusul. Donc, ça c'est à ce sujet. Ensuite, le cheikh dit Qultu fatabayyana butlan hadha al-qawl in kunta qa'ilan bihi. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah. Qultu fatabayyana butlan hadha al-qawl in kunta qa'ilan bihi. Donc, si tu dis que la situation politique est une base, hein, et bien dans ce cas-là, on a montré la fausseté de ce que tu prétends. Parce que la base de l'islam, c'est pas la situation politique, mais c'est, au contraire, c'est le tawhid. Mais sinon, le cheikh dit, « Amma in qulta, in kunta qulta, innaha far, fa kayfa yakunu istiqamatul far, istiqamatan lil asl. » Hein? كيف تستقيم الأوضاع السياسية والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وغيرها إذا كانت الأوضاع الدينية فاسدة والتي من أهمها تثبيت العقيدة الصحيحة وتصفيتها مما يبطلها من أردان الشرك الأكبر أو ينقصها من شوائب الشرك الأصغر والبدع إن هذا القول إن دل على شيء إنما يدل على عدم التصور السليم لدعوة الأنبياء والمرسلين وعدم الفهم للقواعد الأساسية التي يبنى عليها الإسلام ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث يدعو قومه إلى توحيد الله 13 سنة بل حياته كلها دعوة للتوحيد. Le cheikh explique maintenant, il dit, si tu dis que la situation politique n'est pas une base, mais qu'elle est une branche qui découle de cette base, hein, qui découle de la base, alors dans ce cas-là, le cheikh il dit, comment tu peux prétendre que en établissant une branche, tu vas établir la base, hein? C'est contradictoire, je ne peux pas dire ça. C'est en établissant la base que les branches vont tenir. Mais c'est comme un arbre. Si tu veux établir l'arbre, il faut que le tronc soit ferme. Si le tronc n'est pas ferme, comment les branches vont tenir? Hein? Et donc ça, c'est une contradiction. Et donc le cheikh il dit ici, comment tu penses que tu vas être capable de rectifier les situations politiques, et les situations sociales et économiques et autres, si la situation religieuse est corrompue, Hein? Et c'est la plus importante. Hein? C'est d'établir la croyance correcte et de la purifier de tout ce qui peut détruire cette croyance parmi les formes de shirk majeur, ou bien qui pourrait la diminuer parmi les formes de shirk mineur et les formes d'innovation et de bédat. Donc, c'est très important ici de comprendre que tu ne peux pas prétendre stabiliser la situation politique si tu n'as pas stabilisé la situation religieuse. Et c'est ça le malheur des chibiyin, des gens de bid'ah, parmi ces gens-là, qui pensent que juste en changeant la situation politique dans un pays, tu vas pouvoir arriver à améliorer la situation économique et la situation sociale, ainsi de suite, sans corriger la situation religieuse. Mais c'est une grave erreur, parce que la base de tout, c'est la religion. Et c'est la foi, et c'est la aqida, et c'est le tawhid. Donc si le tawhid et l'iman et le taqwa et l'aqida ne sont pas fermes et établis sur les bases de l'islam, hein, si on n'a pas bien compris ces choses-là qui sont les bases de l'islam, eh bien, le reste de la situation ne sera jamais correct également. Et la vie, l'islam, c'est ça. C'est un combat pour établir le tawhid et pour établir tout ce qui vient avec par la suite. Et de lutter pour ça, contre ceux qui veulent s'opposer à ça. Hein? Donc le cheikh, il dit ensuite, cette parole, elle montre, hein, si elle montre quelque chose, elle montre uniquement une chose, c'est que la personne qui le dit, elle n'a pas une bonne vision, une bonne compréhension de la da'wah des prophètes et des messagers. Et elle n'a pas compris comme il faut les règles fondamentales sur lesquelles les principes de l'islam sont basés. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est resté 13 ans à la Mecque, alaykum salam wa rahmatullah, en train d'enseigner le tawhid. Et toute sa vie, il a enseigné le tawhid. Et c'est une invitation au tawhid. Ensuite, le cheikh, il mentionne une parole du cheikh Bakr Abu Zayd. Il dit قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله فهي قاعدة كلمة التوحيد يعني الانطلاق وأساس التنظيم وهي البداية كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في افتتاح دعوته قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وفي النهاية كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله الحديث وفي هذا إشعار بأن حياة المسلم مبنية على التوحيد. Le Cheikh il dit, il y a en ceci la parole du tawhid, hein, une règle dans l'islam qui est le point de départ et la base de l'organisation de la vie à partir de son début. Dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a débuté sa da'wah, dites « La ilaha illallah », vous aurez le succès. Dites « Rien ne mérite d'être adoré, excepté Allah » et vous aurez le succès. Et à la fin de sa da'wah, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien à la fin de la vie, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Laqinu mawtakum la ilaha illallah », lorsque la personne arrive à la mort, ou qu'il est près de mourir, proche de la mort, faites-lui répéter le shahada, la ilaha illallah, avant de mourir. Donc ça veut dire que toute la vie du musulman, elle est basée sur le tawhid. Hein? Quand il rentre dans la vie et quand il en sort. Le cheikh dit, « حتى كان مما قاله في مرض موته كما أخرج ذلك البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح قميصه على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. Le cheikh il dit, et même lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans sa maladie de mort, juste avant de mourir. Comme c'est rapporté par Al-Bukhari, le musulman, il appelait au tawhid encore. Hein? Toute sa vie, il a continué à appeler au tawhid. Comme c'est rapporté dans le hadith de Aïcha radiallahu anha, lorsqu'elle a dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était tombé malade à la fin de sa vie, et que il était quelques jours avant de mourir, hein, il se couvrait avec un vêtement sur son visage. Et puis parfois il l'enlevait, et pendant ce moment-là, il disait que la malédiction d'Allah soit sur les Juifs et les chrétiens. Ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme des lieux d'adoration. Et il disait ça pour avertir les gens contre ce qu'ils avaient fait. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari et par l'imam muslim également. Ensuite il dit « ثم حصل بعد ذلك أن دانت لهم المشارق والمغارب ودخل الناس في دين الله أفواجا بل بل فدوا في فدوا هذا الدين بأغلى ما عندهم وما ذاك إلا لأن العقيدة الصحيحة قد أشربتها قلوبهم فصلحت أحوالهم وأوضاعهم فبصلاح العقيدة واستقامتها تصلح وتستقيم سائر الأعمال والأوضاع منها الأوضاع السياسية كما وصدق رسول الله وصدق رسول الهدى صلى الله عليه وسلم إذ يقول كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وفيه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وبهذا يتبين بطلان هذا القول أيضا إن كنت قائلا به. Le chef il dit ensuite, il y a eu l'islam qui est parti partout dans le monde, de l'Est et de l'Ouest, l'Orient et l'Occident partout. Hein, les gens sont rentrés en groupe dans l'islam et ils ont donné en échange ce qu'ils avaient le plus important pour eux dans le but de... C'est-à-dire ils ont sacrifié ce qu'ils avaient de plus cher hein, pour cette aqida, cette bonne aqida, parce qu'elle est entrée dans leur cœur et elle a pris toute la place dans leur cœur. Et elle a purifié leur situation par la suite. Leur situation a été purifiée parce qu'ils ont purifié leur aqida et ils l'ont mis droite. Et donc, du moment qu'ils se sont orientés, qu'ils se sont mis dans une situation de droiture, eh bien, tout le reste de leurs actions et de leur situation se sont également réformés et corrigés d'elles-mêmes, comme leur situation politique. Hein, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de la guidance sallallahu alayhi wa sallam, hein, il dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon An-Nu'man ibn Bashir, hein, il dit qu'il y a dans le corps un morceau que s'il est bon, tout le reste du corps sera bon, et s'il est corrompu, tout le reste dans le corps sera corrompu. Et ce morceau là c'est quoi? C'est le cœur. Et donc, on peut comprendre la fausseté de ce que tu prétends. Si tu prétends, Abdul-Majid al-Zindani, que c'est pas une base, la situation politique n'est pas une base, mais que c'est une branche qui découle de cette base, eh bien, on voit également que ça, hein, c'est pas de la façon dont tu l'imagines, que lorsqu'on corrige la situation politique, le reste se corrige tout seul. C'est quand on corrige le tawhid et quand on corrige notre aqidah que le reste se corrige. Et non pas quand on corrige la situation politique toute seule. Hein? Et le cheikh il dit وَلَعَلَّ الْقَوْلَ الْأَوَّلْ أَقْرَبُ إِلَيْكَ مِمَّا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ الْإِسْتِنْكَارَ الَّذِي قَامَ بِهِ حِزْبُ التَّجَمُعِ اليمني للإصلاح عندما قام بعض الإخوان السلفيين بتحطيم المشاهد التي على القبور فقد نشرت جريدة الصحوة بيانا في ذلك مما جاء فيه تابع التجمع اليمني للإصلاح الله مستعان باهتمام كبير باهتمام كبير الأحداث المؤسفة التي وقعت في مدينة عدن الباسلة يومي الجمعة والسبت الماضيين من قبل بعض العناصر غير المسؤولة ستجعل من الفروع قضايا أساسية بينما تتغافل عن الأصول والقضايا الجوهرية إلى آخر البيان. Donc le cheikh il mentionne par la suite, il dit regarde, peut-être que ça va te donner une idée un petit peu de votre position ou du résultat de cette pensée là que vous avez vous les Ikhwan. Regardez qu'est-ce qui a été mentionné dans votre journal. Qu'est-ce que vous avez dénoncé, hein, votre parti, At-Tajammu' al-Yamani. Ils ont dénoncé ce que certains frères salafis avaient fait quand ils ont détruit certaines constructions qui avaient été bâties sur les tombes au Yémen, dans la ville de Adan. Il y a des salafis qui avaient détruit des machahs qui avaient été construits sur des tombes. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont écrit un communiqué ou un article dans le journal à ce sujet, dans le magazine As-Sahwa, ou le journal As-Sahwa, le numéro 432, le jeudi, le 3 du Rabi' al-Thani, qui correspond à l'année 1494, le mois de septembre, le 8. Donc c'était le 8 septembre 1994, qui correspond au 1415 de l'année Hijri. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qu'ils ont dit les Ikhwan dans cet article? Ils ont dit qu'il y a eu des choses qui se sont produites, des incidents qui se sont produits, hein. Et, c'était dans la ville de Adan. Le vendredi et le samedi. Il y a certains individus, hein, qui n'ont pas d'autorité, qui ne sont pas responsables, qui n'ont pas une responsabilité dans la société, c'est-à-dire ils ne sont pas des gens qui avaient une autorité, qui ont en effet des questions qui sont des choses secondaires ou qui sont des choses qui ne découlent pas des fondements, des choses importantes. Pour eux, c'est des fourrures, mais c'est des choses qui sont des branches, ce n'est pas des fondements. Ils en ont fait des choses fondamentales. Ils disent, ces gens-là, ils ont fait des fourreaux, ils ont pris des fourreaux et ils en ont fait des choses comme si c'était des choses fondamentales et importantes, alors qu'ils ont oublié les choses fondamentales et les questions essentielles. Et donc, pour eux, la question des tombes et des constructions qui sont faites par-dessus, ça c'est des choses qui sont des détails futiles, c'est pas important. Les vraies questions, les vrais problèmes, c'est des choses, selon eux, essentielles. Et ça, ça me fait penser en fait à une citation dernièrement, il n'y a pas longtemps, qui avait été mentionnée par... c'est pas permis. La façon comment ils enterrent les morts dans les pays musulmans maintenant, c'est pas selon la sunna. Ils ont suivi les chrétiens et les juifs dans leur manière de faire les tombes. Salam avait annoncé ça justement, comme tu dis. Oui, ils mettent des dalles, même il y a des tombes avec des photos dessus. Et puis, ils ne savent pas que ça c'est contraire à la sunna. Peut-être qu'il y en a qui le savent, mais il y en a beaucoup de gens qui ne savent pas. Mais ça c'est les cimetières des chrétiens et des juifs, ça c'est pas des cimetières islamiques ça. Hein? Il y en a, ils ne savent pas. Ils veulent faire des pierres tombales et des bid'ah, yani. Ça va dans la vie. Donc, le cheikh il dit ensuite, donc ça c'est pour vous dire, ces gens-là, c'est pour ça que, hein, vous entendez comme par exemple Tariq Ramadan qui dit par exemple, le tawhid et tout ça, c'est pas ça qui fait notre fraternité, c'est pas ça qui est notre fondement, ça c'est juste des repères sur la route, après on a tout à construire, il dit ça, le tawhid et tout, des choses comme ça, donc c'est des repères sur la route. Allah musta'an. Ma'alim fi at-tariq, ça c'est les paroles de Sayyid Qutb, le titre de son livre, c'est Sayyid Qutb. Les jalons sur la route, les repères sur la route. Allah musta'an. C'est ça les ikhwan. le tawhid c'est pas important pour eux. La question de la religion, les croyances, ça c'est un détail. Le plus important c'est de travailler. Hein? Le cheikh il dit, on dirait que tu avais envie de dire quelque chose. Hein? Le cheikh il dit, al-mulahazatu thaniya, qala unzuru idhan bitaqatan tamlikuha تمكنك من أن تساهم في توجيه اليمن وتمكنك من أن تساهم في إقامة الدين وتمكنك من أن تساهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعلى مواقعه. Regardez qu'est-ce qu'il dit à Zindani, ça c'est le troisième point, troisième commentaire. Il dit, regardez, une petite carte, quand tu la possèdes, Elle te donne la possibilité de pouvoir participer à l'orientation du Yémen. Elle te donne la capacité et la possibilité d'établir la religion. Elle te donne la capacité et la possibilité d'ordonner le bien et d'interdire le mal de son plus haut point. Alors le cheikh il répond à cette parole. Il dit, قلت يا سبحان الله ما هذه البطاقة التي لها كل هذه الأهمية هل المساهمة في إقامة الدين وفي توجيه البلاد وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل ذلك يكون ويتحقق ببطاقة حزبية انتخابية يتولد عنها حدوث كل المفاسد المتقدمة إن هذا القول لا يصدر إلا من أحد رجلين إما جاهل بالقواعد الأساسية لهذا الدين الحنيف ومنها الضوابط التي يعتمد عليها في الأمر يعتمد عليها في الأمر والنهي وإما ملبس يلبس على المسلمين أمور دينهم وأحلاهما مر. Le cheikh il dit, Subhanallah, c'est quoi cette petite carte électorale? C'est ça la carte électorale? Mais c'est quoi cette petite carte? Hein? Avec elle tu peux faire toute cette chose-là et qu'elle a toute cette importance. Tu peux établir ta religion avec, tu peux orienter ton pays avec, tu peux ordonner le bien et interdire le mal avec, hein, avec une carte de Hizbiya, hein, électorale, hein, qui est à la source par la suite, qui est à la source de tous les méfaits qu'on a mentionnés précédemment, hein, tous les corruptions et les méfaits qu'on a mentionnés précédemment, celui qui dit ça, c'est un des deux hommes suivants. Soit un ignorant qui ne connaît pas les règles de la charia et les fondements de la religion, et qui ignore les principes, hein, sur lesquels l'ordre et l'interdiction, le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal est établi, ou l'ordre et l'interdiction est établi. Ya'tamidu alayha fil amri wa nahi. Et soit c'est un ignorant, ou soit c'est celui qui veut tromper les musulmans. En leur mélangeant le vrai et le faux dans les questions de leur religion. Et le plus doux des deux, le plus sucré des deux est amer. Hein, ça c'est une expression. Donc le cheikh Mukbil, rahimahullah, il dit à ce sujet-là dans la page, « بل إن الرجل من القسم الثاني وهو ملبس ويعرف أن عن الديمقراطية وحقيقتها ومفاسدها أكثر مما نعرف. وإذا جلس مع رجل سني يخاف منه قال هي كفر ولكن ما اتخذناها إلا وسيلة لإقامة الدولة الإسلامية ويعرف ما عليه الإخوان المسلمين وقد قلت له اتركهم قال لا أتركهم لأنهم سوف يضيعون لو تركناهم ولكن الرجل في الحقيقة منهم وملبس بلا شك والله المستعان. Le cheikh il dit, Cheikh Mukbil, il dit, l'homme, c'est-à-dire Abdul Majid al-Zindani, il fait partie de la deuxième catégorie, c'est-à-dire c'est une personne qui sait la vérité mais qui veut couvrir la vérité avec le faux. Hein? Et il connaît la démocratie, la réalité de la démocratie et ses méfaits plus que nous. C'est-à-dire, il connaît les méfaits plus que nous encore, et sa réalité plus que nous encore. Et s'il s'assoit avec quelqu'un qui est sur la sunna, et qu'il a peur de lui, il va dire, c'est quoi? La démocratie, c'est kufr. Mais on l'utilise comme un moyen pour établir l'État islamique. Et il connaît l'État des Ikhwan al-Muslimin. Abdul Majid al-Zindan, il connaît l'État des Ikhwan al-Muslimin. Et il dit, moi-même, Cheikh Mourtel, il dit, moi-même, je lui ai dit, laisse-les. Quitte-les, laisse-les. Il a répondu, non, je ne les laisse pas. Parce que si je les laisse, ils vont se perdre. Si on les abandonne. Si je les laisse, ils vont se perdre. Alors qu'ils sont déjà perdus même avec toi. Hein? Si tu les perds, ils vont pas être plus guidés avant l'Ustaan. Et le cheikh, il dit, cet homme-là, il est en réalité avec eux. C'est pour ça qu'il ne veut pas les laisser. Hein? Et donc, il fait partie de ceux qui sont des muladdissines. Il n'y a pas de doute qu'Allah nous aide. Et ensuite, le cheikh, il dit le dernier point à mentionner à ce sujet-là. Al-Mulahadatu al-Rabi'a, par rapport à ce qu'il dit dans cette cassette, le quatrième, والذين سيقصرون ويتقاعسون وينامون ماذا سيفعلون ماذا الذي ستفعلون ما الذي ستفعلون هل ستقومون بتغيير الأوضاع بالقوة وتعلنون حربا وخيانة وتتآمرون مع الدول الأجنبية لقلب نظام الحكم بالقوة. Donc Abdul Majid al-Zindani, le cheikh il mentionne les paroles d'Abdul Majid al-Zindani dans cette quatrième remarque. Il dit ceux qui veulent pas participer dans les élections, qui veulent pas marcher dans la démocratie et qui veulent s'asseoir, qui veulent s'arrêter, se limiter, hein, et qui veulent dormir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il dit, est-ce qu'ils vont essayer de changer la situation par la force? Et qu'ils vont déclarer la guerre et la trahison? Et ils vont faire des complots avec des états étrangers pour renverser le pouvoir avec la force? Le chef, il répond. Il dit, ensuite il dit deuxièmement, c'est-à-dire Abdul Majid al-Zindan, il dit deuxièmement, والأمر الثاني ستبقى في بيتك وقوانين هؤلاء النواب ستصلك إلى داخل البيت وإلى داخل مزرعتك وإلى داخل مدرستك وإلى كل شبر من أرض اليمن. Il dit, deuxièmement, il dit, tu vas rester dans ta maison et les lois de ces députés vont arriver jusque dans ta maison, ils vont rentrer dans ton champ, ils vont rentrer dans ton école et dans toutes les parties de la terre du Yémen. Le cheikh, il répond, il dit, « أقول أحيلك للرد على باطلك هذا إلى ما تقدم الكلام عليه عند عرض البديل. وهنا تنبيه, تأمل أخي القارئ الكريم, قول هل سيقوم بتغيير الأوضاع؟ يتبين لك صحة ما قدمنا ذكره من أن الحزبيين من الإسلاميين يقدمون النظام الديمقراطي كمنهج يرونه لتغيير الأوضاع لا غير. الشيخ الذي dit je te renvoie à tout ce que j'ai mentionné précédemment pour réfuter ta fausseté que tu dis là à ce sujet-là lorsque j'ai parlé de l'alternative et ce que j'ai expliquer cette situation, cette question d'alternative. Et un point important ici, il dit aux lecteurs qui lisent ce livre, il dit, est-ce que regardez qu'est-ce qu'il dit, hein? Est-ce qu'on va changer les situations? Ça prouve que ça confirme qu'est-ce que je disais précédemment lorsque j'ai mentionné que les Hizbiyyin, ils utilisent parmi les islamistes, ils utilisent le système démocratique comme une méthodologie et ils considèrent que c'est quelque chose de valable pour changer les situations et rien d'autre. Donc c'est juste pour arriver au pouvoir qu'ils utilisent cette méthode-là. Donc nous on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Inch'Allah, on a fini le chapitre ou la partie où ils réfutent cette cassette. Il reste juste maintenant quelques petites clarifications encore. Donc on va continuer Inch'Allah la semaine prochaine. Mais il ne reste pas beaucoup. On a presque fini le livre, Inch'Allah. Donc, سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.